j'ai le verre solitaire. Dans le verre solitaire, dans le verre solitaire, j'suis le verre solitaire. Parce que pour ça me taire, j'arrive pas à me taire, je le mets dans l'air et j'finis mon verre. Je comprends pas que je dois pas, mais j'arrive toujours à bout de ma bouteille de whisky et de mon petit pot. J'ai le verre solitaire, pas un verre solitaire, j'me soucie peu de la santé de mes artères. Avec mes potes, on galère pour rester dit jusqu'à ce qu'un connard veuille bien faire. Chin à l'enfer style, j'fume pas, j'bois pas. Tu veux un verre? Ne m'approche pas, j'attends que les gens soient blindés pour commencer à me saouler. J'ai des sens faciles, ça veut dire que j'encaisse une cave à 20. Fais-moi voir tes caisses, donc passe-moi les clés, j'vais me débrouiller. Fais-moi confiance, va juste hésiter. Les débuts de soirée, faut qu'on se retienne. Fume vite ton verre, on faut que les siennes. Le mal m'aide, me pousse à finir les bouteilles. J'ai le verre solitaire, oh, le verre solitaire, oh, le verre solitaire. Je suis vert solidaire parce que ça me perd. J'arrive pas à me taire, je le mets dans l'air et je finis mon verre. Je comprends pas que je bois pas, mais j'arrive toujours à bout de ma bouteille de whisky et de mon petit pot. Moi aussi, j'ai le vert solidaire. Il pense à ses potes et au lit de guerre. Il fait même titi la main que je finisse par terre. Mission impossible qui me désaltère. Solidaire en os, petit pot que je bloque à ta porte pour que tu m'apportes la solution. Anti-résolution, promis, j'arrête de faire le con. Demain, j'arrête d'air de bison. Si bon pour les papilles gustatives, si bon de fraises et de métis. Sinon je mitraille ta tire, je t'attire dans ma tyrannie de tyrannosaurus sec. Attirer la coquille à ton ex, que je finisse pas avec no. J'ai le verre solitaire, oh, le verre solitaire, oh, le verre solitaire, j'suis le verre solitaire. Parce que ça me perd, j'arrive pas à me taire, je le mets dans l'air et j'finis mon verre. J'comprends pas que je bois pas, mais j'arrive toujours à bout de ma bouteille de whisky et de mon petit pot. C'est le seum stupide qui ne sert à rien. Le thème est venu à 3h du matin. On n'est pas de tir bouchon, on a réveillé les voisins. On a branché les micros et on envoie le bousin. Les autres sont couchés, ils remontent au PC. On finit les bouteilles, c'est ce qu'on fait dans l'essai. On prend pas le volant parce qu'on a le foie lent. On finit le morceau et on ouvre le vin blanc. Que j'aime ce son qui résonne dans ma tête comme une invitation à faire la fête sans hésitation. Je pose une galipette à tous ces galipettes. Galinacées sans glaçon, c'est pas bon, bougez pas. Y'a Catherine Ramel qui a mis son bras sous lui pour lui mettre le pic à glace, je m'inscris. J'ai le verre solitaire, oh, le verre solitaire. Dans le verre solitaire, j'suis verre solitaire. Parce que ça me perd, j'arrive pas à me taire. Je l'ai en l'air et j'finis mon verre. Je comprends pas que je bois pas, mais j'arrive toujours à bout de ma bouteille de whisky et de mon petit bout. J'ai le verre solitaire, oh, le verre solitaire. Dans le verre solitaire, j'suis verre solitaire. Parce que ça me perd, j'arrive pas à me taire. Je le mets dans l'air et j'finis mon verre. Je comprends pas que je bois pas, mais j'arrive toujours à bout de ma bouteille de whisky et de mon petit pot. J'ai le verre solitaire, oh, le verre solitaire. Dans le verre solitaire, j'suis le verre solitaire. Parce que ça me perd, j'arrive pas à me taire. Je le mets dans l'air et j'finis mon verre.